Chapitre 14. Dolorès et Horace ne tardèrent pas à arriver à peu de distance l'un de l'autre chez le docteur Gasterini. Nous laissons le lecteur s'imaginer la joie des deux amants et l'expression de leur tendre reconnaissance pour le docteur et pour le chanoine, le profond attendrissement de ce dernier, la conscience d'assurer à jamais la félicité de sa nièce, se manifestèrent chez lui par une fin de tigre, aussi murmura-t-il d'une voix lamentable à l'oreille du docteur Gasterini. « Hélas, hélas, les autres convives n'arrivent donc point, cher docteur, il est des gens d'un affreux égoïsme. Mes convives ne peuvent maintenant beaucoup tarder, mon cher chanoine. Il est 6h30, et l'on sait qu'à 7h sonnant, je me mets impitoyablement à table. » En effet, les derniers invités du docteur ne se firent pas longtemps attendre, et un valet de chambre annonça successivement les noms suivants. « Monsieur le duc et madame la duchesse de Saint-Terre-Maillefort. » « L'orgueil, dit tout bas le docteur au chanoine et à l'abbé, qui fit une laide grimace, en se souvenant de la mésaventure de son protégé, M. de Macreuse, à l'endroit de Mademoiselle de Beauménil, la riche héritière. « Combien vous êtes aimable, madame la duchesse, d'avoir bien voulu vous rendre à mon invitation, dit le docteur à Herminie, qu'il alla recevoir et dont il baisa respectueusement la main. « S'il faut tout dire, madame, je comptais pour vous décider sur ce cher orgueil que M. de Maillefort, M. de Saint-Terre et moi, nous admirons tant chez vous. »« Et comment cela, mon bon docteur ?» dit affectueusement Gérald de Saint-Terre. « Je sais bien que je dois à l'orgueil de ma femme le bonheur de ma vie, mais... »« Notre cher docteur a raison, » reprit Herminie en souriant. « Je suis très orgueilleuse de l'amitié qu'il veut avoir pour nous. » Et je saisis toutes les occasions de lui témoigner combien je suis sensible à son attachement, sans parler de notre éternelle reconnaissance pour les soins si dévoués qu'il a eus pour mon fils et pour la fille d'Ernestine. Je n'ai pas besoin de vous dire, mon bon docteur, les regrets qu'elle éprouve de n'être pas ici ce soir, mais son état de grossesse avancée la retient chez elle, et le cher Olivier, non plus que son oncle et M. de Maillefort, ne quitte pas d'une minute notre intéressante malade. Il n'y a rien de tel que les vieux marins, les marquis duellistes et les anciens soldats d'Afrique pour être d'excellents gardes-malades. Soit dit sans déprécier la terrible Madame Barbançon, répondit gaiement le docteur. Seulement, Madame la Duchesse, vous me permettrez de n'être pas tout à fait de votre avis sur la manière dont tout à l'heure vous avez interprété mes paroles. Je voulais vous dire que votre propension pour l'orgueil m'assurait d'avance que vous encourageriez chez moi cet adorable péché en me rendant fier de vous posséder dans ma pauvre maison. « Et moi, cher docteur, dit en riant Gérald de Saint-Terre, je déclare que vous encouragez furieusement en nous le friand péché de gourmandise, car lorsqu'on a dîné une fois chez vous, l'on devient gourmand à perpétuité. » L'entretien du docteur, d'Herminie et de Gérald, entretien auquel le chanoine avait prêté l'oreille, fut interrompu par la voix du valet de chambre qui annonça « Monsieur Yvon Cloarec !» « La colère !» dit tout bas le docteur au chanoine en s'avançant au-devant de l'ancien corsaire qui, malgré son grand âge, était encore vert et alerte. « Vive les chemins de fer, car j'arrive à l'instant du Havre, mon vieux camarade, pour assister à l'anniversaire de ta naissance !» dit cordialement Yvon au docteur en lui serrant la main. « Et pour venir ici, j'ai laissé Sabine, Sabinon, Sabinette, ce sont les noms que le quasi-centenaire Ségoffin, mon ancien maître canonnier, a donné à ma petite-fille et mon arrière-petite-fille, car je suis bisaïeul, tu sais cela. Parbleu, mon vieux camarade, et j'espère bien que tu ne t'arrêteras pas là. Ah ça, mon gendre Onésime, à qui tu as rendu la vue, il y a quelque 30 ans, m'a chargé, comme toujours, de le rappeler à ton souvenir, et me voilà. Pouvais-tu manquer à une de nos réunions annuelles, mon brave Yvon ? Je me serais mis dans une de ces superbes colères dont tu étais autrefois possédé. » S'interrompant alors et s'adressant au chanoine et à l'abbé, le docteur leur présenta Yvon en leur disant « Le capitaine Cloarec, un de nos plus anciens et de nos plus illustres corsaires, le fameux héros du brick le Tison d'Enfer, qui a fait des siennes à la fin de l'Empire. « Ah, monsieur le capitaine, » dit le chanoine, « En 1812, j'étais à Gibraltar, et j'ai eu l'honneur de vous entendre bien souvent maudire, vous et votre bâtiment corsaire, par les Anglais. » « Et savez-vous, mon cher chanoine, à quel admirable péché le capitaine Cloarec doit sa gloire et les services qu'il a rendus à la France dans les victorieuses croisières qu'il a faites contre les Anglais ? Je vais vous le dire, et mon vieil ami ne me démentira pas. gloire, succès, richesse, il doit tout à la colère. » « À la colère ? » s'écria l'abbé. « À la colère ? » dit le chanoine. « La vérité, messieurs, reprit modestement Cloarec, que le peu que j'ai fait pour mon pays, je le dois à mon naturel incroyablement colère. » « Monsieur et Madame Michel, annonça le valet de chambre. « La paresse, dit le docteur au chanoine et à l'abbé en s'approchant de Florence et de son mari. Son véritable mari, car le cousin Michel avait épousé Madame de Luceval depuis la mort de Monsieur de Luceval, victime d'une ascension qu'il avait tentée au Chimborassao en compagnie de Valentine. « Ah, madame, dit le docteur Gasterini en allant galamment baiser la main de Florence. Combien je vous sais gré de vous être arraché à vos douces habitudes de paresse pour vous donner la peine de venir chez moi avant votre départ pour votre chère retraite de Provence. Comment, mon beau docteur, reprit en riant la jeune femme, oubliez-vous donc que les paresseux sont capables de tout, même de faire l'incroyable effort de venir dîner chez un de leurs meilleurs amis, ajouta Michel en serrant la main du docteur. Et quand je pense, reprit Gasterini, quand je pense qu'il y a quelques années, j'étais consulté afin de faire savoir si je pouvais vous guérir de cet incurable péché de paresse. Heureusement, l'insuffisance de la science, et surtout mon profond respect pour les dons du Créateur, m'ont empêché d'attenter à l'ineffable nonchalance dont vous étiez doué. » Et désignant du regard à Florence l'abbé Ledoux, le docteur ajouta « Tenez, madame, monsieur l'abbé Ledoux, que j'ai l'honneur de vous présenter, me considère à l'heure qu'il est environ comme un païen, comme un affreux idolâtre. Soyez assez bonne pour me réhabiliter dans son esprit en affirmant à ce saint homme que vous et votre mari avez puisé dans la plus profonde, la plus invincible paresse, une activité sans bornes, une énergie inconcevable grâce auquel vous vous êtes assurés tous deux la plus honorable indépendance. Pour l'honneur de la paresse, monsieur l'abbé, répondit Florence en riant, je suis obligé de faire violence à ma modestie et à celle de mon mari et d'avouer que ce cher docteur dit la vérité. « Monsieur Richard, annonça le valet de chambre. « L'avarice, dit tout bas le docteur au chanoine et à l'abbé pendant que le père de Louis Richard, l'heureux époux de Mariette, s'avançait vers le docteur. « Est-ce que ce monsieur Richard, dit à demi-voix l'abbé à monsieur Gasterini, serait le fondateur de ces écoles, de ces maisons de retraite établies à Chaillot et si admirablement organisées ?»« C'est lui-même. » répondit le docteur en tendant la main au vieillard et lui disant « Arrivez donc, bonhomme Richard, monsieur l'abbé me parlait de vous. » « De moi, cher docteur. » « Ou, si vous préférez, de vos merveilleuses fondations de Chaillot. » « Ah, docteur, dit le vieillard, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mon fils seul est l'auteur de ces fondations charitables. » « Voyons, mon bon et excellent monsieur Richard, reprit le docteur, si vous n'aviez pas été un avare aussi complet que votre ami Ramon, votre digne fils aurait-il pu faire bénir partout votre nom comme il l'a fait ? Quant à cela, docteur, c'est la pure vérité. Aussi, je vous avoue qu'il n'est pas de jour où, à ce point de vue, je ne remercie Dieu de m'avoir fait naître le plus avaricieux des hommes. » « Et l'ami de votre fils, reprit le docteur, le marquis de Saint-Hérem, comment va-t-il ? Il est venu nous voir hier avec sa femme. C'est la perle des ménages. Il nous invitait à aller visiter le château qu'il vient de faire construire dans la vallée de Chevreuse. On dit que son palais de Paris n'est rien auprès de ses nouvelles splendeurs. Il paraît que depuis 3 ans, il y a là 1500 ouvriers occupés, sans parler des terrassements du parc, qui seuls ont employé les bras de 3 ou 4 villages. Et comme le marquis paye magnifiquement, vous concevez quel bien-être cela répandu dans les environs de son château. Or donc, mon cher bonhomme Richard, vous m'avouerez que si l'oncle du marquis n'avait pas été de la même avarice que vous, ce généreux garçon n'aurait pu donner du travail à tant de familles. C'est vrai, mon cher docteur. Aussi, sous le nom de Saint Ramon, comme le marquis a baptisé ironiquement son oncle, la mémoire de ce fameux avare est-elle bénie de tous ? C'est inconcevable, l'abbé, disait le chanoine. Le docteur avait donc raison. Je suis confondu de ce que j'entends, de ce que je vois. Nous allons donc dîner avec les 7 péchés capitaux. Monsieur Henri David, dit le valet de chambre. À ce nom, la physionomie du docteur devint grave. Il alla au-devant de David, lui prit les deux mains avec effusion et dit « Pardon d'avoir tant insisté au sujet de cette invitation, mon cher David, mais j'ai promis à mon excellent ami et élève le docteur Dufour, qui vous a recommandé à moi, de tâcher de vous distraire pendant votre court séjour à Paris. Et de ces distractions, je sens le besoin, je vous assure, monsieur. Là-bas, notre vie est si calme, si régulière, que les heures passent presque inaperçues. Mais ici, perdu dans cette bruyante et grande ville à laquelle je suis devenu tout à fait étranger, j'éprouve des accès de tristesse mortelle, et je vous remercie mille fois de m'avoir ménagé une si aimable distraction. » Henri David parlait ainsi au docteur lorsque 7 heures sonnèrent. Le chanoine poussa un profond soupir de satisfaction en voyant un maître d'hôtel ouvrir les 2 battants de la porte de la salle à manger.